Ou alors je fais la clave hein, plutôt. Comme tu veux. C'est peut-être mieux. Après, pour vous parler simplement du déroulé de l'émission, donc il y aura eu... Salut les mélomanes, retour des concerts à la radio pour une saison 2023-2024 que l'on espère riche, éclectique et surprenante. Concert à la radio, c'est tout simple, des musiciens, des micros, un studio, celui de Campus FM, et des techniciennes du son pour un set d'une trentaine de minutes environ. Émission présentée par Joe Kangourou, prise de son et réalisation Thomas Delafosse. Et ce soir, c'est le quartet d'ADEF qui inaugure cette cinquième saison des concerts à la radio. D'ADEF Quartet, c'est Raphaël Sibertin Blanc au violon, mais également au Kemenché. C'est aussi également lui qui compose. Simon Charrier à la clarinette, Guillaume Gendre à la contrebasse et Karsten Wenchmann à la batterie. Musique largement inspirée, celle du D'ADEF Quartet, par les musiques traditionnelles d'Asie mineure et des Balkans qu'ils confrontent au jazz et aux musiques improvisées. À noter que le D'ADEF Quartet jouera ses compositions anciennes et nouvelles mercredi prochain 20 septembre au Taquin à 21h. Mais avant de retrouver le D'ADEF Quartet pour un mini-set d'une trentaine de minutes, je reçois Loris Pertoldi, le programmateur du Taquin. Bonsoir Loris. Bonsoir. Comment s'annonce cette saison 2023-2024 ? Eh bien, franchement, ça annonce, je pense, aussi bien que la précédente. Du coup, ça va être pour nous la huitième saison. Et, elle a déjà très, très bien commencé. On a fêté l'anniversaire, du coup, le 8 septembre, malgré le match de rugby. Oui, ça c'est peut-être la seule faute de goût de cette programmation. Programmer ça le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est eux qui se sont trompés. Mais malgré tout, on a fait complet. Il y avait beaucoup de musiciens. Et c'était une super ambiance. Hein. Malgré le match, donc ça fait plaisir. Toujours. C'est vrai que l'année dernière, vous avez fait souvent des soirées archi-pleines. Ouais. Avec un renouvellement du public et un rajeunissement du public qui a été assez marqué l'année dernière et peut-être l'année d'avant aussi. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Déjà, nous, il y a vraiment une belle fréquentation du lieu, ça c'est vrai. Là, on a fait le bilan de la saison dernière, on a fait quand même 180 concerts en tout. On a accueilli 18 000 spectateurs sur la saison. Pour un club comme le nôtre, où on a une jauge à 150, c'est super, quoi. Et c'est quand même bien plébiscité, ça fait plaisir. Et ouais, c'est vrai, il y a quand même pas mal de jeunes, quoi. On va dire la moyenne chez nous, c'est on va dire des trentenaires, je dirais, entre 30 et 40 ans. Mais malgré tout, il y a plein de jeunes qui viennent écouter la musique, qui viennent danser aussi, parce que le jazz, ça se danse beaucoup. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi le fait de l'arrivée sur la scène toulousaine d'un nombre de groupes très jeunes qui balancent une musique qui va chercher dans le rock, dans les musiques expérimentales, mais aussi dans le jazz, des raisons de faire sonner leurs instruments et qui a peut-être aussi rajeuni un peu l'audience qui vient écouter ces jeunes groupes. Ouais, c'est vrai. Après, Et là, je pense à Bol, je pense à Martine que vous avez programmé, je pense à des groupes comme ça. Complètement. Mais après, moi, je trouve qu'à Toulouse, il y a toujours eu une dynamique extraordinaire musicalement. Il y a toujours eu un vivier de jeunes musiciens et ça n'arrête pas de se renouveler. Il y en a quelques-uns qui partent à Paris, d'autres qui essaiment ailleurs. Mais il y a toujours eu vraiment une grosse dynamique et effectivement de jeunes musiciens qui sont bien guidés parce que ils évoluent sur un terreau qui est très riche, pas mal quand même de une scène professionnelle qui est bien en place. Mais c'est vrai que moi je vois là au Taquin, c'est vraiment une super tour d'observation pour voir la dynamique des musiciens à Toulouse et vraiment il y a un renouvellement. Tous les ans, tous les deux ans, il y a des nouveaux musiciens encore plus jeunes qui débarquent, des fois encore meilleurs, j'ai envie de dire. C'est impressionnant, quoi. Et après, il y a aussi ce côté attractif de Toulouse. Et je pense aussi, parce qu'on rayonne au niveau du jazz, humblement en tout cas, mais on rayonne quand même, la ville rayonne. Et du coup, elle attire quand même pas mal de musiciens, des petits curieux, et de plus en plus loin, en fait, qui viennent faire leurs études de musique à Toulouse, quoi. Ouais, c'est vrai qu'entre le conservatoire, la fac et musicale, il y a quand même plein d'endroits où pouvoir continuer ses études musicales, justement. Ouais. On parle de jeunes groupes. C'est vrai que moi, un des concerts qui m'a marqué l'année dernière, c'est celui de UHO. Donc Human Hate Orchestra. Et je pense que la moyenne d'âge de ce groupe, c'est en dessous de 25 ans. Ouais, là c'est vrai, tout à fait. Là ça, c'est vrai que ça fait partie, c'est tout un collectif en plus, c'est marrant, avec notamment Ludovic Schmitt. Voilà, autour de la fabrique. Ouais, voilà, et c'est super. De la baraque à frites, pas la fabrique, de la baraque à frites. Et c'est super, ouais, ils ont une super dynamique, tout ce groupe-là. Il y a plein de groupes qui sortent de ce collectif en fait. Et c'est chouette, ouais. Ils envoient un bon coup de pied, je trouve, pareil, ils développent une esthétique. C'est marrant parce que il y a ce côté, comme tu disais, fusion, c'est-à-dire vraiment ils piochent dans tous les styles et bon, les barrières n'existent plus. Mais et à la fois, ils piochent beaucoup dans un vieux mouvement, mais qui est dans le free jazz, des choses comme ça, vraiment à façon à l'Art Ensemble, à Chicago, des choses comme ça. C'est des vieux trucs, mais remis au goût du jour et par des très jeunes musiciens, ça donne un truc super. C'est vraiment éclatant et il y a ce peps, quoi, il y a cette... Ouais, il y a ce peps, il y a cette force-là qui est nécessaire dans cette musique-là. Faut pas qu'elle soit jouée les mains dans les poches, quoi. Donc, on parle de ce début de saison au Taquin. Le Taquin qui depuis sa reprise il y a 8 ans, puisque le Taquin est né sur les cendres du Mandala, autre club toulousain de jazz mythique, a toujours voulu s'ouvrir à toutes les formes musicales, avec une prédilection certes pour le jazz, mais pas que. Une ouverture maintenue cette saison ? Ouais, toujours pareil, nous on garde le cap. Après, voilà, c'est vrai que nous on défend le jazz, cette musique-là, donc dans la programmation, dans la scène musicale, même si maintenant le jazz, honnêtement, c'est une appellation qui a toujours été assez floue, honnêtement, c'est plutôt ton esprit. Mais toujours, en fait, il y a de l'ouverture à d'autres stylistiques. Déjà parce que la frontière, finalement, avec le jazz, honnêtement, elle est hyper dure à faire. Le critère premier, c'est que la musique qui vient jouer chez nous, elle nous plaît. Que les musiciens, ils nous plaisent, que c'est généreux, qu'il y a quelque chose, voilà, il y a une expression, quoi, on va dire originale. Et du coup, après, la stylistique, finalement, quasiment tout, j'ai l'impression, peut rentrer dans l'esthétique jazz, quoi. C'est plutôt un esprit. Donc oui, on a gardé vraiment cette ouverture-là. Et puis en plus, c'est vraiment important pour nous. On est une des rares salles de concert à Toulouse et on est les premiers à le déplorer. Et du coup, c'est important de montrer de l'ouverture et aussi du soutien à toutes les initiatives qu'il y a à Toulouse et qui ne sont pas forcément jazz et qui sont super. Et nous, on estime qu'on doit être là. Et puis en plus, c'est l'esprit du jazz, quoi. Le jazz, c'est une musique qui s'est toujours, toujours, toujours et encore beaucoup maintenant nourrie des autres courants musicaux. Et du coup, voilà, nous, on se sent un peu la mission aussi de ne pas cloisonner et donc d'accueillir quand même plein d'autres esthétiques. Et c'est toujours chouette quand tu as des grands rockers qui viennent, des gros rockers qui viennent chez nous. Et qui arrive, il y a marqué Jazz Club derrière. Franchement, il y en a, ils regardent avec des gros yeux, là, comme ça, qu'est-ce qu'on fait là? Et finalement, ils voient qu'ils sont super bien accueillis, qu'il y a une ambiance de feu, que la qualité du son, elle est super. Et tout le monde est content, et des fois même on réconcilie des gens qui ont une image un peu poussiéreuse du jazz, quoi. C'est vrai que le Taquin réouvre, dont la réouverture c'était la semaine dernière, ouais. Et une saison 2023-2024 qui s'ouvre avec un gros point d'interrogation concernant les fonds GIP, les JIP. Vous nous direz exactement ce que cela veut dire, ce qui se cache derrière cet acronyme. C'est JIP qui aide les bars et les restaurants, organisateurs de concerts, pour payer les artistes et pour les déclarer. Et il y a une inquiétude autour de ces fonds qui seraient d'ici la 2023 qui n'y seraient plus. Il n'y aurait plus d'argent dans les caisses. Vous pouvez nous en dire deux, trois mots, d'abord sur ces JIP, comment ça fonctionne, et effectivement, si ces fonds-là ne sont pas abondés suffisamment pour pouvoir tenir l'année. Ouais. Bah déjà, effectivement, nous, le GIP, souvent, est associé au collectif Culture Barbare. D'ailleurs, j'ai leur t-shirt. Nous, on est une salle de concert, on n'est pas un bar, mais on s'associe beaucoup à ce mouvement-là, c'est-à-dire de la culture dans les bars. On n'est pas concerné directement par le GIP, du coup, qui est une enveloppe qui a été créée. Alors, sûrement, je vais dire des bêtises, mais en tout cas, il y a les acteurs, il y a la mairie, il y a la CGT Spectacle qui a beaucoup œuvré. Donc, il y a le collectif Culture Barbare, il y a la région aussi qui met des fonds. Et l'idée, c'est voilà, qu'il y ait une enveloppe d'aide qui permette aux bars, donc, c'est-à-dire aux non professionnels du spectacle, de déclarer les musiciens quand ils viennent jouer chez eux. Donc ça encourage vachement la professionnalisation. Nous, enfin, tous les acteurs, tout le monde, évidemment, les musiciens, mais tout le monde, même les, on va dire, les élus ou leurs représentants, tout le monde est pour cette enveloppe-là parce que c'est vrai qu'elle permet de soutenir un des maillons qui est essentiel dans la filière. Ben oui, c'est le bar parce que tous les musiciens, ben on commence son projet en général en jouant dans un bar. Quoi. Et c'est un des maillons essentiels de la culture et du spectacle quoi, à Toulouse mais partout. Donc cette enveloppe-là, elle est très précieuse. Et effectivement, bon, ça fait quelques années qu'elle est déjà en place. Mais c'est des enveloppes qui sont gérées, c'est pas évident parce que je pense qu'il y a un manque de personnel aussi pour centraliser toutes ces données parce que c'est quand même gigantesque. Et du coup, c'est vrai que ces temps-ci, là, ils sont aperçus notamment que l'enveloppe finalement est vide largement avant la fin de la saison. Et il y a un manque a priori de visibilité sur combien il reste dans l'enveloppe à l'instant T. Voilà. Et ça, du coup, le gros problème que vont avoir les bars, et du coup, ça va les rendre frileux et c'est pas bon, c'est ben, je vais pas programmer parce que je sais pas si je pourrais avoir cette aide-là à l'instant T. Et là, ben oui, c'est un problème. Alors que, et du coup, bon, voilà, ça peut être même vraiment contre-productif. Quoi. Nous, en tant que salle de concert, du coup, on n'est pas un bar, on est une salle de spectacle. On a une aide qui est équivalente, qui s'appelle le Fonds PEPS. Et c'est pareil, c'est en fonction des musiciens qui sont déclarés. On a une enveloppe, une aide qui est croissante en fonction du nombre de musiciens. Mais par contre, là, il y a une visibilité qui est totale. On a un montant maximum par an. L'enveloppe n'a pas de fond, on va dire. Enfin, elle n'est jamais épuisée. Et donc, nous, là, oui, ça soutient bien la filière parce que nous, on a une visibilité sur un an. Quoi. On sait qu'on peut solliciter cette enveloppe sans problème. Alors que pour les JIP, c'est premier déclaré, premier servi. Et c'est un peu ça, voilà. Ouais. C'est un peu ça le truc, il n'y a pas vraiment de quota. Après, je pense que comme toute initiative, et honnêtement, je le redis, mais c'est vraiment une super, super initiative qui est vraiment précieuse dans notre filière. Elle a besoin de se roder, elle va rencontrer des petits heurts. Comme tout, elle manque de moyens humains dans la gestion. Je ne sais pas combien ils sont derrière, mais franchement, je ne pense pas qu'ils soient très nombreux. Et du coup, il y a des petites erreurs. Ils se rendent compte et je pense qu'ils vont mettre en place un autre procédé qui permettra de rassurer tout le monde et d'avoir de la visibilité pour tous les lieux. Parce que ça encourage beaucoup de bars, même qui ne faisaient pas de concert avant, d'en faire. Ah, et ça permettra aussi de reparler de la répartition. Loris Bertoldi, le taquin est ouvert. 3-4 concerts à ne surtout pas louper d'ici la fin décembre. Pour info, nous, du coup, on est avant on ouvrait le dimanche cette année. Du coup, on a décidé de fermer les dimanches. Donc, chez nous, il y aura des concerts tous les soirs du mercredi au samedi. Donc, c'est 4 concerts par semaine. Mais le dimanche, bon, maintenant, c'est un jour sacré du Seigneur. On se repose. Mince. À pas louper, il y en a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de super trucs à voir. Je pourrais aiguiller le 30 septembre, il y a Alexis Evan, c'est de la soul, c'est un chanteur toulousain, là c'est vraiment mortel. C'est rare de voir des musiciens de soul locaux jouer aussi bien. C'est un super, super, super groupe. D'ici la fin de l'année, on a quand même un grand rendez-vous aussi. On accueille le duo Faulkner. Je vais dire des bêtises, j'oublie les autres. J'ai un trou. En tout cas, le 19 octobre, c'est un trio jazz. je culpabilise là, mince. En tout cas, avec le batteur Faulkner qui est extraordinaire. C'est un trio de jazz moderne. On est très honorés de les accueillir dans nos murs. Sur une instrumentation, hormis le batteur, contrebasse Contrebasse et clavier. Et clavier. Ouais, c'est vraiment super. On va fêter aussi l'album des Titi Twister. Le 3 novembre, vendredi 3 novembre, pareil, c'est un chouette groupe toulousain, bien péchu, voilà, qu'on suit depuis longtemps, et là ils vont fêter donc, la sortie de leur album chez nous, ça va être une très belle soirée. Allez, une dernière. Allez, je vais me faire un peu de pub, une fois n'est pas coutume. On accueille du coup le groupe Zingabé Afrobeat le 25 novembre. C'est dans le cadre du festival Culture Barbare dont on parlait, qui a lieu du 23 au 25 novembre à Toulouse. Et donc Zingabé Afrobeat, en fait j'en fais partie, je suis le batteur. Et voilà, c'est un collectif de 11 musiciens d'Afrobeat, c'est un groupe qu'on a décidé de remonter. Donc voilà, je pense que ça va être aussi un chouette rendez-vous. Bon, je le fais pas souvent, mais je me fais un peu de pub. et puis, mercredi prochain, 20 septembre, il y a donc le Dadef Quartet qui sera au Taquin. Pourquoi avoir programmé ce groupe-là? Bah après, c'est un groupe, nous, qu'on suit. Bon, déjà, je connais très bien les musiciens. Qui le compose. On a oui, déjà joué avec ensemble. Guillaume Gendre, le contrebassiste, vous avez longtemps joué dans Alfie Reiner ensemble. Exactement, on a pas mal bourlingué, donc on est proches. Karsten, le batteur, on se connaît beaucoup, on a fait Agostini ensemble. C'est un super batteur toulousain. Bon, l'équipe, elle est vraiment très chouette. Il y a ce mélange vraiment, effectivement, entre musique turque et jazz qui est assez rare. Et Raphaël a vraiment une super culture de cette musique-là. Et le mélange qu'il travaille depuis, au moins depuis que le Taquin est ouvert, donc depuis 8 ans, mais je pense avant. Oui, ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années. Et du coup, nous, on voit l'évolution. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent jouer chez nous. Et c'est chouette, parce que ça fait partie des groupes qu'on suit, qu'on voit évoluer, qui ne lâchent pas et qui progressent quoi, dans cette exploration qui est quand même voilà, qui est pas évidente et qui est originale. Du coup, voilà, on est très contents de les accueillir. Et, c'est une super équipe. Ça va être une belle soirée aussi. Mais voilà, donc ça, le Dadef Quartet le 20 septembre au Taquin et on va les retrouver tout de suite pour un concert à la radio, le premier de la saison. Loris, merci d'être passé nous voir. Merci à toi, à très bientôt. Clash imaginaire. Donc l'instrument que vous venez d'entendre, c'était le kemenche. Pour qui ne le connaisse pas, c'est un petit violon gréco-turc. C'est ça, en forme de poire. En forme de poire. Vous avez entendu une batterie aussi. En forme de poire aussi. En forme de poire. Une clarinette, une contrebasse. Tout en forme de poire. On va la refaire. Voilà, on retrouve les musiciens du Dadef Quartet pour un mini-interview, histoire de faire un peu plus connaissance. Dadef Quartet, je le disais en début d'émission, c'est Raphaël Sibertin-Blanc au violon et au kamenché, mais également à la composition. C'est Simon Charrier à la clarinette, Guillaume Gendre à la contrebasse et Karsten Weinmann à la batterie. Et évidemment, il a un sourire carnassier parce que je viens d'écorcher son nom, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça, il faut bien que ça m'arrive une fois par émission. Raphaël Sibertin-Blanc, ce projet, c'est vous qui le portez, il est né comment ? Il est né, du coup, il y a bientôt 10 ans. Il y a bientôt 10 ans. Un pied dans le vide ? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un duo avec Karsten, qui s'appelait Un pied dans le vide, un duo violon-batterie. Et j'avais un groupe aussi, Yoli Kayesi, de musique turque avec Guillaume. Et on a, enfin, c'est un peu un mélange des deux, quoi, quelque part, qui s'est mis. Après, du coup, il y a un clarinettiste qui est venu. Il y a Simon. Simon n'était pas là au début, mais il est venu pour le premier concert. Donc, il est avec nous depuis le début. Depuis le début. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Avec un répertoire très marqué par des sonorités gréco-turques, cette partie des Balkans, qui est symbolisée par l'instrument que vous jouez en dehors du violon, le kamenché, deux mots. C'est ça. Le kemençe, donc ça s'appelle le classique kemençe. Keman, ça veut dire violon en turc, et kemençe, c'est le petit violon. Et classique kemençe, du coup, c'est le petit violon pour la musique classique, donc pour la musique classique ottomane, en fait. Mmh. Et les Grecs l'appellent la politique lyra, c'est-à-dire c'est la lyre de la ville. La ville étant Constantinople. Et c'est vrai que cet instrument-là, on le retrouve autant dans la musique turque que dans la musique crétoise que dans la musique grecque. Alors, dans la musique crétoise, c'est son cousin complètement, qui s'appelle la lyre crétoise, en fait. Et tout à fait, on retrouve aussi la gadulka en Bulgarie, qui est aussi un cousin. On retrouve le violon chinois, qui est un cousin. On retrouve des cousins un peu partout, en fait. Hein. Parce qu'en fait, ça se voit pas, là, on est à la radio, là, mais c'est... En fait, c'est juste trois cordes qui sont tendues et on n'appuie pas sur la corde. C'est l'ongle qui fait la transition. Et donc, en fait, c'est des lutheries très, très, très, très simples, en fait. Voilà. Et qui se jouent avec un archer, néanmoins. Qui se jouent néanmoins avec un archer, tout à fait. Pourquoi cet intérêt pour la musique de cette partie du monde ? Parce que c'est vrai qu'elle vous accompagne depuis un petit moment. Oui, alors ça vient d'assez longtemps, en fait. J'ai fait un petit tour à Paris, et à Paris, il y a un peu toutes les cultures du monde. Donc, au départ, je suis violoniste, et c'est vrai que le violon a ça d'extraordinaire, c'est qu'il s'intègre dans à peu près toutes les traditions populaires, en fait. Et donc, c'est vrai que j'en ai touché du doigt pas mal. Et petit à petit, je suis allé un peu plus vers l'Orient, quoi. En fait, c'est ça qui m'a le plus attiré. Et puis, à un moment, du coup, j'ai eu l'occasion de faire un groupe de musique plus autour des musiques turques avec Ümit Seyhan, qui était un super chanteur. Et du coup, là, je me suis un peu plus intéressé à cette musique particulièrement. Et du coup, j'ai entendu cet instrument. Et puis, une fois, j'étais en Grèce, et puis il y a quelqu'un qui avait à vendre, et je l'ai pris, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc, c'est vous qui composez, et vous êtes accompagné donc de trois autres musiciens. Comment on rentre comme ça dans un projet qui est d'abord celui de Raphaël Sibertin, et qu'il vous fait partager ? On y rentre comment ? Et est-ce que vous aviez aussi cet intérêt pour ces musiques-là, ou c'est arrivé au fur et à mesure ? Guillaume Gendre, le contrebassiste. Moi, je jouais déjà avec Raph, du coup, dans le groupe de musique turque, c'était le groupe de musique turque, influence turque, on va dire, parce qu'on jazzifiait un peu aussi les choses. On jouait pas traditionnellement, on va dire, parlant, même si on gardait quand même les mélodies. Donc, je connaissais un peu cet univers. Après, on avait d'autres choses en commun, je pense, dans plus les jazz européens ou ce qui se fait autour des musiques improvisées. Et après, voilà, on essaye tous ensemble d'apporter un peu nos idées. On essaye de voir ce qu'il veut entendre aussi, parce que des fois, il y a des parties très écrites, des fois, des parties, c'est plus libre. Et voilà, enfin, on essaye de faire au mieux pour aller dans la même direction. Karsten ? Ouais, moi, je pense que c'est vrai qu'on a, un peu comme disait Guillaume, on vient du... Moi, personnellement, je viens peut-être un peu plus du côté jazz, mais la musique improvisée après... purement qu'on faisait avec Raph. Notre duo de Pieds dans le vide, c'était plus basé là-dessus. Et après, l'envie aussi d'expérimenter. Je pense qu'il y a pas mal dans ce groupe aussi, le fait que Raph, il arrive avec du matériel et il nous laisse aussi le champ un peu libre de qu'est-ce que nous, on entend dans le son du groupe. Et pour après, c'est un peu un mélange, en fait. Le produit final, c'est un peu un mélange de ce que chacun entend et on fait un micmac de ça, ou plutôt un amalgame, ou une lava, ou un vent des steppes, de ça. Parce que... l'idée, c'est que chacun amène sa sonorité et son bagage musical, comme j'amène le gros, mais après, on fait un travail d'arrangement ensemble, et de son de groupe, quoi, qu'on essaye de puisque, bien entendu, et on l'a écouté pendant la petite demi-heure que vous nous avez donnée de concert, au-delà des influences turques et grecques, votre musique est largement jazzifiée et largement ouverte aux musiques impro. Et c'est peut-être ce qui fait un peu l'originalité de la formation, c'est que ça n'est pas de la musique traditionnelle, c'est de la musique composée, et qui va voir aussi vers les musiques impro et vers le jazz. Tout à fait. Oui, oui. C'était oui. Vraiment ce que vous vouliez faire dès le début, ça, avec Dadef, ce mélange entre musique traditionnelle, jazz et musique impro. On va dire que c'est les trois composantes de mon bagage musical, donc qui sont là dans la musique, quoi, forcément. Après, je pense que là, c'est notre troisième répertoire. Ça évolue, quoi, forcément. Le premier, il était un peu plus pot pourri, entre guillemets, avec vraiment plein de choses différentes, plein d'instrumentations différentes. Le deuxième, il était un peu plus axé sur le kemenché. Et là, le troisième, je ne sais pas encore. Et vous ne savez pas encore, puisque c'est la première fois que vous le jouez. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des compositions qu'on a écoutées dans cette émission, c'est des nouvelles compositions que vous jouerez donc mercredi prochain au Taquin. C'est vraiment le début d'une autre aventure. Là. Oui, complètement. Oui. Oui, oui. Du coup, on était en résidence. On a fait une première résidence en mai, une deuxième il y a 10 jours. Et voilà, du coup, on n'a encore jamais joué. Quoi. Voilà, donc, concert au Taquin le 20 septembre. On va entendre l'ensemble du nouveau répertoire, où il va y avoir aussi des morceaux un peu anciens. Il va avoir l'ensemble du nouveau répertoire, ouais, et peut-être en bis, on fera un morceau de l'ancien. Ça dépend des longueurs des choristes. Ouais, c'est ça. Oui, puisque là, rien n'est écrit. Les morceaux peuvent durer 4 minutes, mais aussi facilement 7, 8, 9. En tout cas, merci d'être venu nous voir aujourd'hui et pour ce petit cadeau. Donc, nouvelle merci composition du Dadef Quartet. Et Dadef Quartet, je le rappelle, de mercredi prochain, ça sera le 20 septembre au Taquin à 21h. Merci messieurs. Merci beaucoup. À toi. Merci beaucoup. Merci. Pour un concert ce soir. 15h le prochain train. Quoi. Ouais. Mais tu pars où toi? Tu pars par le métro? Ouais. Écoute, vas-y.